L'efficacit nergtic et electrical heating apparels electrique infrarouge chauffeurs, and de la mimani reiku du sauters chauffage apparels sont occasion avec l'intention de la de chauffage. Cependant, chique fait du différenti normal chauffe. Radiators infrarouges sont spécialis s chauffe qui plus chaleur en fournir de l'espace de rayonnement, apparels infrarouges.